trouva Crevel chez Valérie. Le maire, bouffi d'orgueil, allait et venait dans le salon comme un homme agité par des sentiments tumultueux. Il se mettait en position comme s'il voulait parler et il n'osait. Sa physionomie resplendissait et il courait à la croisée tambouriné de ses doigts sur les vitres. Il regardait Valérie d'un air touché, attendri. Heureusement pour Crevel, Lisbeth entra. « Cousine, lui dit-il à l'oreille, vous savez la nouvelle, je suis père. Il me semble que j'aime moins ma pauvre Célestine. Oh, ce que c'est que d'avoir un enfant d'une femme qu'on idolâtre. Joindre la paternité du cœur à la paternité du sang. Oh, voyez-vous, dites-le à Valérie, je vais travailler pour cet enfant. Je le veux riche. Elle m'a dit qu'elle croyait, à certains indices, que ce serait un garçon. Si c'est un garçon, je veux qu'il se nomme Crevel. Je consulterai mon notaire. Je sais combien elle vous aime, dit Lisbeth, mais au nom de votre avenir et du sien, contenez-vous, ne vous frottez pas les mains à tout moment.